Peut-on rappeler Adi? On va lui faire son lancer de lutin. Ouais. Allez, allez, maintenant là? Bah oui. Il veut du lancer de lutin, il va avoir du lancer de lutin. C'est Adi. Il est là. Fais-te le lancer ton. Allô? Allô? Allô? Mais vous t'habites dans un château? Non. D'accord, c'est Adi? C'est Adi. Tu veux que je charge qui dans le lancer de lutin? Tu veux que je charge Miko? Ah vas-y. Koé. Koé, trop gros. Qui d'autre? Bah, Olivier. Quoi? Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Quoi? Je veux jouer. Mais quoi? Quoi? Tu veux jouer quoi? Le lancer de lutin. Tu veux faire le lancer de lutin? Oui. Ok. Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Adi, t'es prêt, hein? Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Attention, Adi, on va être à l'antenne. Attention, Adi. Adi. Adi, tu dis bonjour Kevin. Il s'appelle Kevin, l'animateur, d'accord? Kevin Cougar. Kevin Cougar, c'est son nom. Ok, Kevin Cougar. Attention, qui va te dire bonjour. Tu dis salut, Kevin Cougar. Ouais, en ligne, il y en a quelqu'un. Je sais pas, c'est qui, allô? Allô? C'est qui? C'est Adi. Ouais, bonjour. Bonjour, Kevin. Kevin qui? Kevin Cougar. Hey, comment ça va, Adi? Adi, tu joues pour quoi? Pour le lancer de lutin. Le? Oui. Le quoi? Le lancer de lutin. Oui, si jamais tu gagnes, tu diras merci qui? Oui, c'est Adi. Bon, d'accord, attention, tu choisis qui? C'est Adi Lugnard. Ouais, tu veux quoi? Kevin Cougar, fais tourner Lugnard. Ok, qu'à demander. Attends, ok. Wow, ok, d'accord. Alors, attends, okay. On va mettre Lugnard là, bouge pas. Tu veux que la fasse tourner tout de suite à deux? Ouais. Il faut dire, vas-y Kevin Cougar. 1, 2, vas-y Kevin Cougar, la chatte. À toi. Vas-y Kevin Cougar. 1, 2, la chatte. Eh ben ok, c'est parti. Allez, go. Écoute, c'est qui au téléphone? C'est qui là? C'est Adi. C'est Adi, alors Adi. Prépare-toi Adi. Attention, attention, tu as presque gagné si tu me dis cette phrase magique. 1, 2, Kevin Cougar la chatte. Si tu dis ça, tu peux gagner. 1, 2, Kevin Cougar la chatte. Ouais. Tu viens de gagner, Adi. On n'a pas entendu, Adi. Hein. T'as gagné, Adi. Tu as gagné quoi? Le quoi? Le PC portable. Non. Quoi? Tu as gagné l'autocollant Lubna. Tu es heureux. Quoi? Mais on dit merci qui? À Kevin Cougar. Merci Kevin Cougar la chatte. Merci Kevin Cougar la chatte.